Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, édition du 19 avril. On est bien content de vous retrouver. On espère que vous avez un paquet de questions. Ce serait pas pire que je parle dans un micro. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est lui pas mal. maintenant le micro là. Le micro est là à côté de moi, puis moi je parle dans un micro. Donc, ça fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez un paquet de questions parce qu'on a un paquet de réponses pour vous. Et pour, en fait, les amateurs de Mac, bonsoir. C'est un show où vous avez des questions, où on pense avoir les réponses. Et pour les poser, ben, en fait, à côté dans la fenêtre de chat, à côté du bouton Enter pour converser avec nous, vous avez le bouton Ask a Question. Et puis, nous, à ce moment-là, on peut l'ajouter. Et y répondre, donc la diffuser live. On est en ce moment au QG général de Mac Québec, du podcast, qui est en fait la cuisine à JF. Ma bonne vieille cuisine. Voilà, où est-ce qu'on est atterri. On est allé ce soir à la 2000e Ouais. de Monsieur Net. C'était bondé de personnes, comme si Denis Talbot était One Direction. Il y avait du geek au pied carré. C'était assez Ah incroyable. ouais. Fait qu'on s'est. C'est le fun, on est rentré, on n'a rien gagné, mais Non. ils nous ont donné Deux deux consommations. consommations. Puis d'ailleurs, je disais à Mike Ward, juste avant qu'il commence son bien cuit de Denis, je disais, hey, dis que vous allez carter la salle, comme ça va faire un petit peu Ouais, parce d'espace, que il y a un peu de monde qui non, sortirait. mais il y en avait du moins de 18 Ouais, ans, c'est là, ça. c'est sûr, Ouais, on pense, en tout cas, Ben c'est pas, mais même avant la 2000e, quand on a été souper au restaurant avec FDL, Frank the Tank, Ben, toute la gang, là, ouais. c'était super le fun. Ouais. Voilà. Donc, on est bien content d'avoir vu tout le monde. Et comme on n'a pas pu rester au party, bon, on a décidé d'enlever quelqu'un qu'on a mis comme invité du podcast Mac Québec, mais on l'a vraiment enlevé. C'est parce qu'on voulait se venger du fait que nous, on n'allait pas en profiter. Donc, si vous écoutez le podcast de Mac Québec, ou si peut-être vous saviez pas qu'on avait un autre show qui s'appelle le podcast Mac Québec, bien cette semaine, on avait Christian Jarry et le technophile du nouveau podcast à propos de la photo, qui est Objectif numérique. Donc, M'entendez-vous dans la chatroom? Je veux savoir parce que je pense pas qu'ils m'entendent. je pense pas qu'on t'entend. Est-ce Ça qu'on entend fonctionnait pas Vincent dans le tantôt. Oh chatroom? yes. Excellent. Ça veut dire, est-ce que vous entendez ça de bord? Attendez. Ça. Ils l'ont entendu tout à l'heure, le thème. Tout le monde a dansé à la maison. Ben, il y avait musique point d'interrogation. C'est moi qui ai mis musique, point d'interrogation. Ben, il y a d'autres personnes qui disaient lol. Fait que je sais pas si ils vous voyaient juste danser. C'est mes cheveux. Non, c'est pas. Donc, je suis avec mes comparses de toujours, Vincent Miller et Jean-François Roy, qui, j'espère, vont. J'ai parlé beaucoup pendant le podcast de Mac Québec, puisqu'on avait des petits problèmes de micro. Donc, je compte sur vous pour que je puisse prendre un break, en fait, celui-là. Moi, j'ai été Voilà. capable de vider ma carafe à café. Ça veut dire que je t'ai pas trop laissé parler, hein? Voilà. On va te laisser un break aussi pour remplir le document parce C'est ce qu'on que a je suis eu en train de faire. on a eu des questions de Dernière dernière minute. minute. Mais On a pour eu une l'instant, question. On a déjà ouais, reçu une question, genre. c'est ça. On avait. Ah ben oui, c'est vrai, directement dans le podcast. Donc, by the way, en fait, ça nous permet de vous dire que quand vous nous posez des questions, vous vous méritez probablement des applications. Au lit Leblanc Lucier, dont on va lire la question dans quelques instants. Ben, cette semaine, tu nous parles un peu de l'application en fait qu'on donne cette semaine. C'est quoi, Vincent? Oui, j'ai même pas de thème pour ça. Attends un petit peu. Je pense que j'ai juste 6 musiques de prêtre, fait que ça va faire avec ça. C'est Air Display. On en avait parlé la dernière fois, mais on n'a pas pris de nom. Puis finalement, on les a pas fait tirer aux personnes qui étaient dans le podcast. Donc, on en fait tirer 2 ce soir. On en a 5 en tout. Donc, quand je vais publier l'article, le test complet sur ça, probablement il va y avoir une vidéo avec ça. Allez voir l'article. À la fin, ça va être écrit. Qu'on va donner des codes. On va en donner 3, puis on en donne 2 en ce moment. Donc, si vous en avez pas reçu un, ça marche plus. Non, attendez, je vais juste arranger quelque chose. Okay. Bon. Fait que si ça fonctionne pas, si vous la gagnez pas, ben allez sur l'article quand ça va être publié, puis vous pourrez en avoir si vous êtes assez vite. Moi, c'est une application que j'apprécie beaucoup. En fait, ça permet de jouer sur son iPad n'importe quel film qui serait sur son ordinateur. Donc, pas besoin de faire de transformation ou quoi que ce soit. Il fait un stream à la volée d'à peu près n'importe quoi. Je ne l'ai pas encore testé avec un iPad. Moi, je l'avais sur le premier iPad. Je ne l'ai pas encore testé avec l'iPad 3. C'est la carte vidéo capable de mieux jouer du 1080. Quoi? Le nouveau iPad. C'est ça, ouais. C'est le nouveau iPad. Oui, oui. On va dire l'iPad 3. De troisième génération. De troisième génération. Parlant de troisième génération, ben Oli Leblanc-Lucier qui nous demande « iPod Touch troisième génération, difficulté à se connecter dans le in-app store depuis un certain temps que je veux acheter. » En fait, on a la question est tellement longue qu'il nous cache. Donc, depuis un certain temps que je veux acheter quelque chose dans une application, par exemple Angry Bird Space pour avoir les autres niveaux, ça prend une éternité à ce que je puisse avoir le message « Voulez-vous acheter? » Nanana. Pourtant, le DLC, je l'ai payé, j'ai même eu la facture, et sur mon nouveau iPad, je suis capable de télécharger, mais pas sur mon iPod Touch. Autre exemple, Rock Band Reload et Guitar Hero, je ne suis pas capable de me connecter au magasin dans l'application. Pardon, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de désinstaller et retélécharger l'application 5-6 fois. Et là, je peux accéder. Mais genre, quelques jours plus tard, impossible de me connecter. Donc, il faut effacer, perdre ma partie. Encore une fois, sur mon iPad, c'est numéro 1. À chaque fois aussi pour IP Kingdom, qui doit être un jeu. Le store load après 10 voire 15 minutes. Une app qui marche bien, c'est celle de Comixology. J'ai aucun problème à avoir accès au magasin en ligne. Donc, c'est un problème en fait avec l'accès in-app sur un iPad de troisième génération. Mais il semble seulement avec certaines applications, c'est plutôt bizarre. Ouais. J'ai peut-être d'abord, en fait, ce que je pourrais peut-être suggérer, c'est pas de désinstaller et réinstaller des applications, mais bien de faire une réinstallation, un clean-up total. C'est ce qu'Apple suggère de toute façon. Puis, je me suis rendu compte, moi, j'ai des problèmes de batterie avec mon iPhone. Non, c'est l'enfer. Et quand je suis allé au App Store, le gars m'a dit, écoute, ta batterie, selon les logiciels qu'ils ont, n'a pas de problème. Par contre, je vois qu'il y a certaines de tes applications qui ont des logs d'erreurs. Donc, eux, ils ont ce qu'il faut pour lire les logs provenant du iPhone. Puis, il m'a nommé des applications avec lesquelles, moi, je n'avais pas nécessairement de problème. Mail, tu sais, autant des applications pas de Apple, autant des applications qui viennent avec le téléphone. Puis, ça pourrait peut-être causer des problèmes. Donc, la première chose à faire serait de réinitialiser, en fait, le iPod. Ouais. Faut dire aussi que Vincent aussi va pouvoir dire la même chose, je pense. On peut voir dans Xcode quand on branche, tu peux aller les chercher. Quand tu branches ton téléphone ou ton iPod Touch, ouais, tu vois dans Xcode c'est quoi les applications qui ont crashé. Parce que si tu regardes dans ton téléphone ou ton touch, c'est des A, E, B, C, toutes des lettres fuckées. Okay. Mais Xcode, tu vois toutes les applications qui ont crashé. Okay. Tu mets une liste de toutes les erreurs qui te sont présentées pour, si jamais, regarde, quand tu développes et tu as des problèmes avec ton application, ben avec ça, tu pourras aller voir ce qui cloche. Donc, ça détaille vraiment tout le problème. Ouais. Parfois, bon, peut-être qu'il a vu qu'il y avait un problème avec du côté batterie, mais ça pourrait être beaucoup de choses. Puis je sais sais que par expérience que y a beaucoup de problèmes qui peuvent être causés par la batterie. Oui, pour iPhone, mais aussi pour les laptops en général. Des fois, ça peut déranger la manière de faire dans le système. Donc, ce serait quelque chose peut-être à vérifier. Fait que première affaire, réinstaller le système. Oui, t'allais dire. Réinstaller aussi à neuf, là. Pas de backup. Oui. Ben en fait, faire un essai au moins avec, avec ça. Le backup va toujours être là. Puis on pourra toujours recommencer, recommencer la réinitialisation et remettre le backup dedans. Là. Mais faire un clean install. D'ailleurs, moi, ça brette, là, mais faut que j'en fasse un là, parce que la batterie, c'est vraiment. Ça change rien. Tu penses? Ça change rien. J'arrête pas d'en faire. Des réinitialisations? Complet. Tu fais du vide, tu as essayé plein d'affaires? J'ai essayé plein d'affaires, c'est vraiment 5.1. Il me semble que quand j'étais sur la bêta de 5.1, elle descendait pas aussi vite que ça, mais depuis la version finale 5.1, c'est l'enfer. Tu le regardes, là, il est à 100%, là, tu l'utilises pas. Là. 95. Moi, je suis arrivé, tu vois, je suis parti de la maison ce matin. Chez une cliente, je l'ai utilisé en matinée, puis arrivé chez la cliente, puis je suis arrivé avant midi. Là. J'ai dû le plugger pour continuer à le charger. Fait que c'est vraiment bizarre. Il y a eu une mise à jour de ATV2 cette semaine pour les Apple TV. 1.85 que je n'ai pas installé encore. Moi non plus. On va en parler bientôt dans le podcast de jailbreaker une Apple TV. Le fameux jailbreak, oui. Oui, le jailbreak d'Apple TV. Donc, c'est probablement la première chose qu'on suggérait à Olivier. Je pense qu'on a vu tantôt à Monsieur Lep. Oli Leblanc-Lucien. Non, on a vu, en fait, on a rencontré Animate Trunk. Ah, c'est Animate Trunk. Animate Trunk et Tilex. Non, c'est ça, c'est lui, Animate Trunk, mais c'est son nom, Olivier. Ah, OK. Ben, fait salut. Justement, on l'a rencontré. Ouais. Je sais pas s'il est resté pour l'after party à Monsieur Nat. Fait que. Ben, on a été très heureux de te rencontrer, Olivier. Est-ce que tu peux nous dire dans le chat, est-ce que tu as essayé de faire une réinitialisation du iPod? Oui, non, peut-être. Pas encore, je vais le faire. Excellent. Tiens-nous au courant. Puis après ça, en fait, moi, ce que je pense, c'est peut-être que peut-être que tu peux faire une vérification pour certaines de ces applications-là. Est-ce qu'eux prétendent que ça fonctionne avec le iPod? La troisième génération, je pense qu'il est capable de rouler pas mal tous les jeux actuellement. Ouais. Ils n'ont pas disparu dans la brume ou quoi que ce soit. Là. Parfait. Donc, excellent. On va enlever ça. Quelqu'un qui me demande qu'est-ce qui se passe avec mon projet de film au cinéma. Ouais. Est-ce que. Ouais, Alexis. D'aller voir le film. D'aller voir The Avengers. As-tu vu cette semaine le clip qu'ils ont mis sur iTunes trailer de Avengers? Thor qui se bat contre Iron Man. De toute beauté. Ah oui? Oh. De toute beauté. Ben justement, on en parlait avec Benoît Mercier des Mystérieux, et puis lui essaie le moins possible de regarder les previews parce qu'il veut être impressionné par le film. Les gens qui l'ont vu à date disent que c'est excellent. Il y a quelqu'un qui nous a même dit c'est probablement le meilleur Hulk qu'il aura jamais eu à date. Ben, dans les previews de films, ce qu'on voit, c'est assez sauvage. J'ai essayé de relancer la dame cette semaine parce que peut-être qu'un peu plus près du lancement du film comme ça, mais ce qui se passerait, c'est qu'on pourrait peut-être avoir un shooting privé la journée d'avant si il décide de faire un lancement un petit peu d'avance. Écoutez, on va essayer de tenir les gens au courant, puis de toute façon, en fait, on va en parler dans... vous allez probablement, si ça se fait, puis qu'on a vraiment quelque chose de seté avec eux autres, vous allez en entendre parler et dans les mystérieux étonnants et dans l'analyse des geeks, si je ne me trompe pas. Les gars avaient l'air willing pour faire ça. L'application pour voir les logs d'erreur, eh bien, c'est l'application en fait qui sert à faire du développement d'applications. Vincent, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, ben c'est Xcode, en fait. C'est la seule plateforme qu'on utilise qui est présentée par Apple. Il y a Adobe, puis certains autres systèmes en parallèle. Mais c'est la version officielle envoyée par Apple. Puis en fait, pour aller voir ces logs-là, vous allez dans vous allez dans Xcode sur Windows, sur Windows en haut. Puis vous cliquez sur Organizer. Puis là-dedans, vous allez pouvoir trouver vos logs une fois votre iPhone ou iPad ou votre iBabel connecté dessus. Excellent. Si vous voulez, je vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions, l'idéal pour que nous, on puisse les afficher et qu'on n'y réponde pas nécessairement comme bon dans une conversation comme ça, c'est vraiment plutôt que de faire Enter, c'est d'appuyer sur le bouton à côté qui s'appelle Question. Donc, vous pouvez, nous, on va recevoir la question qu'on va pouvoir diffuser aux autres et ça va permettre aussi d'aider Vincent à faire le chapitrage et tout ça. Parce qu'on la laisse le temps qu'on est en train de discuter de ça. Je vais prendre un petit 2 minutes pour vous parler. On a un concours en ce moment pour gagner un green smart cover de Apple. C'est quelque chose qui nous a été donné par un auditeur du podcast qui s'appelle Jonathan Laberge, qui a sa petite compagnie de housse de iPhone et de iPod que vous pouvez trouver. C'est iPlanetPod. C'est où? En fait, le site est... On se fait la course, moi et lui, pour arriver sur le net en premier. Là. Fait qu'il n'y a pas encore le site. Mais je pense que ces housses sont distribuées dans les couches tard. Okay. Donc, voilà. Si vous tombez, là, ce sont des trucs... Il les vend en grande quantité. Il les vend à d'autres compagnies. Ouais. Voilà. Donc, puis il va y avoir d'autres concours pour le mois de mai. Ça va être un Kensington Folio qui nous est offert par notre ami Mario Gaucher. Si vous avez des questions, en fait, et que vous les posez sur le forum, Mario donne d'excellentes réponses et il est là depuis très longtemps. Donc, oui, effectivement, le tirage, en fait, comme c'est un truc par mois, eh bien, le tirage va se faire le 30 avril. Et en fait, ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui est là en ce moment, macquebec.com/concours avec un S, smart-cover. Donc, concours avec un smart, ça c'est en un mot, tiret cover. Et il y a 5 photos sur le site qui sont des photos de Apple Store à travers le monde. Et vous avez simplement à nous envoyer, en fait, où vous pensez que ces Apple Store-là sont. Et je pense que c'est la deuxième photo qui donne le plus de fil à retordre aux gens. Non, même pas. C'est ben chien. On a déjà dit, je pense, le premier podcast ou celui, en fait, au début du mois d'avril, si vous allez réécouter, vous allez avoir la réponse à la deuxième, pour la deuxième photo. Monsieur I Am Chemical, je pense que c'est la première fois qu'il vient sur le podcast. Mon MacBook fonctionne encore, mais l'écran semble avoir rendu l'âme. Par contre, elle semble fonctionner à 10%. Je peux voir un peu ce que je fais. Une idée de ce que ça peut être en termes d'argent. Chez Apple, un écran pour un MacBook va tourner entre, je te dirais, 450 et 700 $ là, tout dépendant de la grandeur de l'écran, la qualité, tout ça. Puis à ça, il va falloir rajouter le prix de la maintenance. Ça peut être assez dispendieux. Par contre, ce qui est possible de faire... Bon, il y a toujours différentes solutions. Une de ces solutions-là, peut-être regarder du côté de iFixit. Je ne sais pas s'ils ont des écrans. Je pense que le modèle que j'ai, là, celui que j'ai... Ton blanc? Mon blanc, je pense qu'ils l'ont, le modèle de cet écran-là. Mais je pense que c'était cet ordinateur-là que... Puis ils l'ont sur iFixit, mais ils n'ont pas les nouveaux. OK. Sinon, c'était dans le coin de Montréal, sur la rue, j'en parle souvent, ce sont de bons amis, la compagnie Zone Acro, qui est tout juste en face du Métropolis sur Sainte-Catherine. C'est dans une bâtisse très, très singulière. C'est une espèce de building 400 étages, mais il y a seulement les deux premiers qui sont utilisés. Donc, il y a une crèmerie au premier étage, il y a des visages de peinturés sur le côté. C'est vraiment pas très loin de Saint-Laurent sur Sainte-Catherine. Et eux, ils font de la réparation de consoles de jeux vidéo et de la réparation hors garantie, je te dirais, d'appareils Apple. Donc, c'est une bonne place à aller aussi si vous craquez votre écran de iPhone ou même de iPad, parce que ça peut être assez dispendieux à changer. Donc, eux, ça serait probablement un petit peu moins dispendieux là, que les prix que je t'ai donné. MacBook première génération, c'est les blancs. Donc, c'est ceux qui cassaient. Là, d'ailleurs, merci Nicolas pour dans le chat, il a mis l'adresse. C'est une excellente initiative. Tiens, j'aimerais même la rajouter. Non, si je la rajoute, en fait, on va perdre la question. Voilà. Donc, c'est zoneaccro.com. Et vous les appelez, ils sont super gentils. C'est Martin là-bas, le propriétaire. Voilà. Et puis, ils font vraiment de la bonne job. Ça fait longtemps qu'ils font qu'ils travaillent sur les trucs d'Apple parce qu'ils ont eu une demande. Et puis, il n'y a personne. En fait, on en trouve aussi sur les packs, là, des gars qui viennent à la maison puis qui font des réparations. Les écrans, je le fais pas nécessairement. Non. Moi, ça, non, c'est. C'est comme. Faut être vraiment minutieux. Cette semaine sur Twitter avec je parlais de ça, qui voulait mettre son SSD dans son iMac. Là. Ouais. Parce qu'il faut enlever la fenêtre. L'écran, c'est touché, ça là. Parce que la problématique, c'est que dès que la fenêtre est enlevée, elle est polarisée pour aller chercher à peu près tout ce qu'il y a de poussière dans la salle où est-ce que t'es. Donc, c'est voilà. C'est pour ça qu'il est pratique d'utiliser un tapis. Tapis qui enlève ce. Ça fonctionne bien, le tapis, tu l'as chez. Au bureau de travail. Oui, j'allais, puis ça fonctionne assez bien. Je le fais souvent pour plus utiliser des espèces de pellicules de plastique fatigantes sur qu'on installe sur des iPads. Je l'utilise, puis ça fait une différence. Oui. OK, on va revenir avec. Avec la question, en fait. C'est vrai, parce qu'on l'avait mis dans le document, puis il dit que sa sortie externe ne fonctionne pas plus. Nous autres, on a pensé que... Lui, il dit, vous pensez pas que c'est la carte vidéo, puis en fait, c'est plate qu'il nous la repose ici. C'est la seule question qu'on avait dans le document cette semaine. Mais, donc, dans la question qu'il posait sur Mac Québec Entraide, on a vu plus loin que la sortie externe ne fonctionnait pas. Ça nous a laissé penser effectivement que ça pouvait être la carte vidéo. Ça, c'est plus touché parce que la carte vidéo est une chip sur la carte mère. Et la carte mère, c'est facile, un 700$ dans un ordinateur comme ça. Y a-t-il dit combien de temps il y avait le Mac? Mais ça va être le temps qu'il fait son MacBook. Peut-être un 2007, c'est comme le blanc que j'avais avant. Là. Parce que, ouais, c'est ça, dans ce cas-là, là, ça coûte à peu près 700, achète-toi un autre Mac dans ce cas-là. Des fois, c'est pas donné à fin 2006. Ben, c'est les premiers MacBook blanc disponibles. Donc, c'est probablablement que à 700$, achète un MacBook Air. Tout à fait, effectivement. Même 700$, tu peux acheter un MacBook Air sur le magasin Refurb. Le Refurb d'Apple. Effectivement. Ce serait mieux d'aller vers ça. Une des choses que tu peux peut-être faire, c'est ton ordinateur, si tu décides d'aller vers cette solution-là, c'est-à-dire de dire, écoute, là, faire la réparation sur une machine comme ça, ce ne serait pas l'idéal. Tu pourrais quand même vendre l'appareil sur les Mac, par exemple, les Mac.com, en spécifiant qu'il est brisé, que la carte vidéo ne fonctionne pas, ni la sortie externe. Et à ce moment-là, la personne qui l'achèterait pourrait peut-être l'utiliser pour les pièces. Fait que tu pourrais probablement là, le vendre 150, 200$ relativement facilement, considérant que, écoute, l'écran probablement fonctionne encore si on estime que c'est la carte vidéo qui ne fonctionne plus. Puis il y a peut-être deux, trois autres petites choses là, qui peuvent être scavengées en bon français sur la carcasse de l'ordinateur. Mais ouais, tu as un petit peu de RAM, ton disque dur nettoie-le comme il faut, comme on en avait parlé l'autre podcast. Voilà. Tu parles de l'écran, effectivement. Puis il y a certaines compagnies qui cherchent des pièces d'anciens modèles comme ça, donc ce serait pratique. Ouais. Voilà. Sinon, oh, monsieur Christophe Catherine qui avait une question pour nous, qui arrive tout à fait à point, puisque là, on vient d'épuiser notre stock Moi, j'en ai d'autres. De questions. Oh, excellent, parfait. Le, Christophe Catherine ouais. écrit. Oui, je vais l'aller. Avez-vous des problèmes avec Chrome depuis le passage de Lyon? J'ai des plantages et du gel du navigateur. Il me prend énormément de ressources. J'ai tenté diverses réinstallations et même effacer les fichiers config pour une meilleure réinstallation, même le même problème persiste. Quoi faire? Si je ne me trompe pas, moi, cette semaine, il y a une mise à jour qui a été faite de Chrome. Ils sont passés à Chrome 122, je pense. 19? Je n'ai même pas vu 18, je pense. Donc, il y a eu une mise à jour qui pourrait probablement aider. Sinon, il faut comprendre, en fait, je pense que dans Chrome, ils ont fait un peu la même chose que... en fait, ils ont distillé les processus. Ce qu'on voit en ce moment, je regarde l'écran de GF, puis j'ai comme une dizaine de processus différents qui sont distillés. Fait que c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a une consommation de ressources assez importante. Là, je vois des, Chrome n'est même pas à 64 bits. Ah non? Non. Oh. Pas 64 bits Chrome. Je pense qu'il y a une version, par exemple, que tu peux trouver. Peut-être... ce que tu pourrais essayer de faire, c'est peut-être aller chercher Chrome Canary, qui est la version de développement avec les lancements. En fait, chaque nuit, dès que pendant la journée, ils ont implanté un nouveau features, il y a une mise à jour plus rapide qui se fait que dans la version release de Chrome. C'est dur de faire plus rapide que ça, hein? Ouais, c'est ça, mais dans Google, tu marques juste Google Chrome 64 beta. Bits. Non, mais ah, okay. Chrome Beta, mais c'est ça que j'ai, moi. C'est ça que j'utilise. Ah, Canary, OK. Ouais, fait que c'est... même... Canary n'est même pas en 64 bits. Non, fait que c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi ils font pas 64 bits. Google Chrome pour Windows 7. Ça pourrait être des extensions qui fonctionnent pas bien dans Chrome aussi. Hein. C'est vrai. En fait, ils fournissent Flash directement à l'intérieur de Chrome. C'est peut-être pour ça. Peut-être que ça sert à rien non plus que le navigateur soit en... Je sais pas si s'il peut avoir des problèmes. Oui. Oui, mais on dit dans le chat, ça aide en fait les différents processus. Si une extension plante, le reste ne plante pas. Mais lui, il semble avoir des plantages assez souvent de l'application au complet. C'est zéro fiable, là, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des machines qui, pour une raison ou une autre, puis c'est peut-être une application qui est installée puis qui n'aime pas ou qui utilise des ressources en même temps qu'une autre. Mais moi, tu vois, à la maison, mon MacBook Pro, pendant un bout de temps, en tout cas sur 10.6, j'utilisais Google Chrome parce que je le trouvais plus rapide. Puis je disais à ma blonde, utilise Google Chrome. Et sur le iMac de la maison, qui était aussi en 10.6, ça plantait continuellement. Fait qu'elle aime simplement pas ce logiciel-là. Elle utilise Firefox, qui fonctionne bien sur cette machine-là. Fait que je sais pas exactement si c'est pas en termes de ressources ou comment ça gère quand, justement, peut-être toute la mémoire de l'ordinateur est utilisée. Puis il y a du swapping qui est fait avec le disque dur. Donc, ouais, voilà, maudit flash. Ouais, c'est sûr, Flash est maudit, mais en attendant, c'est ça qui nous permet d'être à des endroits différents et de diffuser. Si vous vous posez la question, en fait, on est en train d'essayer d'investiguer pour essayer de trouver une plateforme en HTML5 qui serait capable de prendre plusieurs feeds vidéo puis de les mettre un dans l'autre, mais C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, puis les plateformes existantes ne proposent pas ça. Les deux seules qu'on a trouvées pour faire du multicam, comme on fait en ce moment, c'est Spreecast et Vocal, et ô combien Spreecast est meilleur que... Okay. On ira voir, en fait, d'ici quelques années, comment Vocal s'en est sorti, mais pour l'instant, c'est beaucoup plus solide du côté de Spreecast. Oui, parce qu'aussi, il faut savoir que les personnes qui ont été formées spécialement pour Flash ne travaillent pas sur le HTML5. Donc, tout le monde était sur Flash il y a quelques années avant que la drop tombe et qu'il y ait beaucoup, encore plus de problèmes qu'avant de Flash. Là, on commence à se retourner sur HTML5. La seule façon qu'on a trouvé à date, ce serait de créer notre propre plateforme. Mais là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Puis même si on donne beaucoup de temps au podcast, rajouter de créer un logiciel indépendant du podcast de Mac Québec pour ça, là, peut-être qu'on aura moins de temps ça à serait... consacrer pour ça. Sinon, c'est sûr qu'il y a des solutions comme capturer le feed vidéo qu'on a dans Spreecast et le renvoyer dans un autre logiciel. Ça reste un podcast audio qu'on veut diffuser, bon, qui est de l'information qui est bonne pour à peu près une semaine, que vous pouvez écouter. Moi, les podcasts, personnellement, je les écoute dans l'auto quand je suis pogné dans le trafic. Fait que plus il y a du trafic, plus j'écoute des podcasts. C'est un avantage. Dean dehors, je pense. Comment ça? Son sport de flash que je suis de retour. Ouais, on peut kicker out Dean. Je sais. Écoute, Dean, que tu te tiennes à carreau parce qu'on peut bloquer ton adresse IP dans Spreecast. Donc, ouais. Fais attention. Ouais, donc ceux qui viennent faire du trolling d'Android sur le Spreecast, on peut les envoyer. On a une autre question, en fait, ou un complément d'information de I Am Chemical. Dit, OK, j'ai aussi un G5 de Motorola. Je sais que c'est plus updatable. Par contre, je le boot, mais ça reste sur la roulette qui tourne en bas de la pomme à l'écran. Quelle peut être la cause? Oui, les fans mènent du bruit d'enfer et il ne se passe rien. Bien sûr, je ne veux pas mettre d'argent sur ça. La première cause, en fait, de ça, la roulette, si je ne me trompe pas, ça peut être soit un problème... En fait, quand tu arrives à la roulette, tous les tests ont été pas mal faits. Faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est un problème de disque dur ou bien d'interface avec le disque dur. Si tu as un disque externe FireWire, ce que tu pourrais essayer de faire, c'est le brancher à ton ordinateur, mettre les CD de réinitialisation qui venaient avec l'appareil dans ton ordi et de démarrer avec la touche C enfoncée, la touche C sur ton clavier pour démarrer sur le CD-ROM. À ce moment-là, tu vas avoir une interface dans laquelle il y a un certain nombre de choses. En gros, là, c'est avec ça que tu peux réinstaller le système. Mais si tu vas porter ta souris dans le haut de l'écran, il y a une barre, la barre avec la pomme qui va apparaître, dans lequel tu as un menu outils et dans lequel tu as un menu utilitaire disque. Donc là, tu pourrais aller voir si d'abord utilitaire disque détecte le disque dur de l'ordinateur. Et s'il ne le détecte pas, ben à ce moment-là, tu pourrais peut-être, sur ton disque externe en FireWire, te créer une partition, une partition Mac OS X journalisée. Et installer le système dessus et ensuite de ça, essayer de booter sur ce système-là que tu aurais installé. Si jamais en démarrant avec les CD de réinitialisation, en appuyant sur la touche C, il ne veut pas se rendre plus loin, à ce moment-là, le problème ne vient pas du disque dur, ça viendrait de la carte mère probablement ou d'une autre composante, mais ça ne viendrait pas du disque dur parce que démarrer avec C, normalement, c'est supposé bypasser. On dit dans le chat qu'il faudrait que tu formates en macOS journalisé GUID. C'est pas vrai. Il faudrait que tu formates dans l'autre. Je me souviens plus c'est quoi, c'est macOS classique ou je sais pas quoi, là, mais... on va vérifier. Mais la partition GUID, c'est juste sur les processeurs Intel. Ouais, c'est depuis Intel qu'il faut. Sélectionne ton disque dur. Ouais, mais là, je peux pas le changer. C'est mon disque dur. Hop, dans partition. Fais plus, mettons. Vous sélectionnez. Pas d'option. Ah, tu peux pas changer les options. Ben non, parce que c'est. Être en GUID. Bon. Déjà en GUID. OK, ferme ça. Donc, dans le disque Utilities, quand tu crées ta partition, il y a un bouton dans le bas de la. Il y a une colonne, là, une colonne de partitionnage, et il y a un bouton qui s'appelle Options. Quand tu ouvres ce bouton-là, la première option en haut, c'est GUID. C'est un mode de formatage, en fait, qui prépare le disque dur à ce qu'il soit bootable sur les plateformes Intel. Le deuxième mode, c'est pour qu'il soit bootable sur les plus vieux Mac. Donc, à ce moment-là, tu peux choisir cette option-là. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Merci à Dominique qui nous le fait voir. Il y a de LED qui allume en LED à côté des barrettes de mémoire et le LED frontal agit normal. J'ai accès au disque dur en mode target et il n'y a rien de LED qui allume en LED à côté des barrettes de mémoire et le LED frontal agit normal. Bon, donc tu pourrais à ce moment-là, je pense bien, installer le système d'exploitation sur ton disque en mode target. Et puis, booter à partir de ça. Sinon, si je ne me trompe pas sur ces machines-là, je ne suis pas sûr que les disques étaient en SATA. Ça prendrait des disques IDE, mm-hmm. si je ne me trompe pas. Mais les dernières machines, est en SATA. Ouais. Mais faut voir de ce côté-là. Puis c'est vrai qu'il y a des lumières, à côté de la mémoire. Ça aussi, ça peut être un facteur qui empêche un Mac de booter. Je vais vous laisser, les gars, passer à la question la prochaine question de Christophe, Catherine. Je vais essayer de vérifier, en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement là, quand ça reste stické sur ce truc-là. Je vous reviens. Voilà. J'ai Christophe, Catherine nous demande, j'ai un MacBook Pro de 2008 sous Lyon à la base de Snow Leopard qui a 4 GB de RAM. Est-ce que c'est possible de mettre 8 GB et combien cela peut coûter? Puis le faire moi-même ou il faut aller dans un Apple Store? Non, maintenant on n'est plus obligé de... On peut changer notre RAM nous-mêmes et en plus on conseille de l'acheter de ce temps-ci parce que c'est... vraiment pas cher. Là. Ça m'a coûté combien? Là? 45$ pour deux barrettes de 4 gigs. Fait que j'ai 8 gigs dans mon MacBook Pro. Ça m'a coûté 45$. Fait que c'est très facile. Là. La version 2008, là, c'est les unibody. Fait que c'est juste à dévisser les vis sous l'ordinateur. Vous enlevez et vous avez accès au module de RAM. Faut juste débrancher la batterie. Quand vous changez de la RAM sur un MacBook Pro, n'oubliez pas de mettre les vis dans le même ordre parce que c'est pas des vis, vous allez voir, là, c'est pas des vis qui sont même grandeur dans chaque trou. Fait que faites attention. Mettez-vous un petit schéma à côté ou donnez-vous un ordre, puis assurez-vous que ce soit les mêmes vis, parce qu'il y en a qui sont comme vraiment longues, puis il y en a qui sont vraiment petites. Fait que... J'en ai trois, moi je l'ai ouvert hier pour changer mes batteries. Pas mes batteries, mes RAM. J'ai trois longues vis, moi, dans le mien. Mm-hmm. Il y a six petites. Faut faire attention. Faut vraiment les remettre parce que si vous les mettez pas aux bonnes places, si vous forcez, vous allez peut-être ramasser quelque chose dans le board. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment pas cher. C'est vraiment... ça vaut vraiment le coup de se lancer, de s'acheter de la mémoire. Là. Mm-hmm. On dit oui, ici, en fait, ben la roulette, mm-hmm. c'est le kernel qui load. Fait que, puis normalement, tout juste après, quand elle disparaît, le processus qui fait qu'elle disparaît, c'est le system launched. Mm-hmm. Donc, c'est le premier, le system launch, quand elle disparaît, c'est le premier truc qui boot, qui est non-kernel, donc qui serait sur le disque dur. Fait que, S'il n'est pas capable de la faire disparaître, ça veut peut-être dire qu'il n'a pas accès au disque dur, mais souvent, en fait, il va mettre une espèce d'icône, là, soit un dossier avec un point d'interrogation, une petite phase de système triste. Ouais. Je crois que la phase de système triste, c'est plus pour la carte mère. Des fois, il y a une pomme qui peut apparaître, mais ça, c'est pour des systèmes peut-être plus récents. Fait que moi, j'essaierais vraiment avec le... Je sais pas si tu l'as essayé avec le disque externe, avec le disque en target mode, mais ça pourrait être intéressant. Faut faire attention pour ce qui est de l'augmentation de mémoire, par contre, pour la question de Christophe Catherine. C'est pas toutes les machines qui vont supporter 8 gigs au maximum. C'est un 2008, je pense. 2008. Je pense que c'est 4 gigs. Probablement. Des fois... Apple va dire c'est 4 gigs. Si toi, tu essayes 8, ça ne marche pas. Mais des fois, si tu mets un 4 plus un 2, ça peut fonctionner. Moi, ce que je suggère, c'est d'aller sur le site de canadaram.com. C'est un site où le prix de la mémoire est très, très honnête. Puis, on s'y retrouve quand même assez bien pour la mémoire, pour les modèles de Mac que vous avez. Il faut aller vérifier, en fait, au niveau du type de mémoire que vous avez besoin. Ce serait de la 167, de la DDR2. Et Apple prétend que c'est 4 gigs, mais d'après MacTracker, qui est un excellent logiciel de base de données, d'ailleurs, pour tout ce qui est Mac, ce serait 6 gigs, donc un 4 plus un 2 qui serait possible dans cette configuration-là. Par contre, en ayant deux barrettes de mémoire différentes, on perd ce qu'on appelle le dual channel, qui nécessite deux barrettes exactement identiques. Par contre, le dual channel, d'après les benchmarks, va donner peut-être un 6-10% de différence. Donc, on est peut-être mieux d'avoir un 50% de mémoire additionnelle plutôt qu'un espèce de système qui donne un 10% de performance de plus. Oh, on a une autre question. Ah oui, donne-nous ça. Je vais chercher ça, connecter, ça c'est fait. Bon, on va parler d'Office 2011 avec le service pack. Quoi? On parlait tantôt de Lyon puis de Snow Leopard. Avez-vous vu la news, puis vous n'en avez pas parlé, mais peut-être faire un wrap-up là-dessus rapidement, que Leopard, quelqu'un qui est avec un ordinateur Leopard, mais qui pourrait aller sur Lyon, sauf qu'il faut qu'il achète Snow Leopard... Apple, en attendant, là, offre Snow Leopard gratuit. Oui, mais on en a parlé en fin du, okay. En fin du podcast Mac Québec. Écoute, je ne sais pas, tu sais, quelle machine, il n'y en a vraiment pas beaucoup, parce qu'il faut que tu aies un Core 2 Duo, il faut que tu aies une carte vidéo spécifique. Tu ne peux pas avoir les MacBook 2007. Je ne sais pas, toi, ça fonctionne 10.7? Ouais. Ah, OK. Fait qu'il y aurait une petite série d'ordinateurs qui ne fonctionnerait pas. Mon ordinateur, quand je l'ai reçu, il n'y avait même pas Snow Leopard dessus, il y avait Leopard dessus. Oui, mais on m'a donné le CD en même temps parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout réinstaller. Mais il était en Leopard, fait que je veux dire, moi, c'était un 2009. C'était un mi-2009. Fait que ceux qui avaient début 2009, ils devaient fonctionner. Snow Leopard n'était pas encore arrivé. Je sais pas c'est qui a pas fait le move, là, par contre. Mais, ouais. On garde avec les autres questions. Oui, c'est ça. Cette semaine, je ne sais pas si toi, tu as eu des problèmes. Je ne l'utilise pas. Tu ne l'utilises pas. C'est un problème, en fait, qui a été rencontré par une cliente à moi, une très gentille dame. Il y a un service pack, en fait, qui est sorti pour Office cette semaine. Et en fait, j'en parlais tout à l'heure, j'en ai jasé avec Jean-Marie Jodoin. Jean-Marie Jodoin. Du Club Mac de Montréal. Il y a deux entreprises à Apple. Il est là depuis longtemps, il s'y connaît. Puis, il gueulait contre Microsoft qui avait sorti cette patch-là. En fait, quand tu patches ton ordinateur, ça peut corrompre ton identité Outlook. Ben, faut dire aussi que Outlook utilise pas la même base que Mail dans OS X. Là. C'est une base de données. C'est une base de données, c'est un fichier unique. Fichier unique. Là, dans lequel il faut toute ton information. Et cette base de données-là, en mettant à jour, peut se corrompre. C'est corrompre. Microsoft, en fait, a sorti comme un papier comme 2-3 jours après que la patch soit sortie, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a du monde qui avait des troubles. Et ça disait comment préparer ton ordinateur pour ne pas avoir ce problème-là. Mais si tu l'as fait quand même, ben voici la solution. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est allumer Outlook avec la touche Alt enfoncée. Et là, ça va ouvrir un logiciel spécial qui est une espèce de mini-gestionnaire d'identité. Dans ce mini-gestionnaire-là d'identité, vous créez une nouvelle identité propre qui est générée par Outlook, mais Outlook mis à jour. Une fois que ça, c'est fait, vous allez dans le dossier Documents, d'identité Office, je ne sais pas quoi. Vous rentrez là-dedans, il y a un dossier qui s'appelle spécifiquement Documents Office 2011 Identité. Vous allez là-dedans, toutes vos identités vont être là. Vous choisissez la nouvelle que vous avez créée et à l'intérieur de ça, vous allez avoir un document, un dossier en fait, qui s'appelle En tête de la base de données ou quelque chose comme ça. Vous la copiez, vous allez dans votre main identity, coller ce dossier-là, donc remplacer le dossier qui serait corrompu par ce nouveau-là qui a été généré. Et quand vous allez rallumer, ben ça va fonctionner. Donc, c'est un petit truc comme ça qu'on donnait pour la postérité s'il y a des gens qui rencontraient le problème. Il y a pu sortir une petite application pour le faire, là, parce que c'est pas tout le monde là, qui va être en mesure de faire ça comme ça. Il faut que tu cherches sur Internet. Là, si, il me semble que ça doit pas être compliqué de faire une petite application là, que tu le pars puis il se fait tout seul. Il faudrait voir peut-être un petit automateur, mais non, l'affaire... c'est que tu peux pas avoir tous les cas de figure. Tu es obligé, tu sais, comme tu fais une application puis tu te rends compte que, bon, ouais, mais elle marche pas pour le monde qui ont dit « Moi, je veux pas l'installer dans le dossier document. » Fait que là, tu es obligé de faire une nouvelle application qui, elle, fait la recherche. Mm. Ça commence à complexifier les choses. Fait que c'est sûr que pour eux autres, c'est plus facile de faire juste une note puis de dire « Débrouillez-vous, patchez vos trucs. » Bref, gardez donc Microsoft à l'extérieur de votre machine Mac. De toute façon, la semaine passée, on a eu un virus dont on a parlé. Mm. Moi, je l'ai rencontré pour de vrai. J'ai fait face à la bête. j'étais allé mettre à jour des machines cette semaine chez un client. Oh! T'as plus le droit d'utiliser ça. Donc, j'ai... ça, c'est pas pire, par contre. Ouais. C'est ça, j'ai fait une mise à jour dans une compagnie et j'ai dit à la fille, écoute, on va faire la mise à jour, ça va vous protéger au pire aller, puis tu le quittes. Et à la fin, la dernière machine que je mets à jour, quand je la redémarre, ça me dit, on a trouvé, on a enlevé de votre système le malware Flashback. Qui s'était installé là. Le gars avait eu une demande de mise à jour pour Flash. Il l'avait accepté, puis ça s'est installé. Fait que j'étais tout excité. Je prends mon iPad, je commence à tweeter, puis comme la fille qui m'engage, donc ma boss, elle passe en arrière, elle fait « Ah, je te pogne! » Je dis « Ouais, je suis en train de tweeter que j'ai pogné le virus. » Fait que j'étais comme « Wouhou! » Sur Twitter, c'était un peu calme. Je voulais savoir quels sites sont infectés avec ce virus-là. Oui. Il ne doit pas en avoir 300 000, là. Ben, je sais que tu sais, il y en avait eu un, genre, il y a 6 mois, un virus, puis j'avais cherché autant comme autant sur les sites de torrents, je n'ai jamais trouvé. Ben, je voulais le pogner. Je voulais voir qu'est-ce que ça faisait. Oui, c'est ça. Tout ça. Mais donc, c'est ça, cette semaine, suite à ce virus-là, qui est « So Last Week », il y a SagPub, je pense, dont on a parlé dans le podcast à Québec. Puis c'est ça, c'est un virus, en fait, que tu attrapes si tu cliques sur un lien pour une page web, mais ce lien-là, il faut que tu l'aies reçu par Outlook. Puis là, le module Java, je sais pas quoi, fait que ça peut rentrer, tu sais. Fait que faut vraiment que tu sois bad locké. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça prouve quand même qu'il faut commencer à être un peu plus vigilant parce que la plateforme commence à être la cible. Puis, en fait, s'ils commencent à avoir assez de Mac pour se créer un parc informatique assez gros pour les zombifier puis les utiliser, ben en fait, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont s'en donner à qui mieux. Il faut dire aussi que le Mac est quand même sur une base sécuritaire, on s'entend. Là. Ben, c'est FreeBSD, c'est, ouais, Unix, c'est Unix, mais ils sont reconnus quand même les failles pour Unix. Les servers, là, dans le temps, moi j'utilisais ça avant, là, c'était quand même très stable. Là, sur, c'est ça. Tout le monde est peu. Fait qu'ils vont. Mais c'est comme le jailbreak, c'est un jeu de chat et de souris. Fait qu'ils vont augmenter la sécurité d'un côté. D'ailleurs, dans 10.8, il y a. Quand tu l'installes, puis j'en jasais avec les gens de chez Antidote au salon de la Coops. Donc, quand tu l'installes, ils te donnent trois choix. Le premier choix, c'est de n'accepter d'installer que des applications provenant du App Store. Le deuxième, ce n'est d'accepter d'installer que des applications du App Store et ou qui auraient été signées par Apple. Puis le troisième, c'est at will, c'est n'importe quoi. Donc, dans les paramètres de sécurité, tu le débarres. Mais ils sont déjà dans le 10.7.3. Ah ouais, c'est là? Oui, c'est déjà là. Vas-y, dans ton système de préférence, ils sont déjà là. Je suis en 10.8 DP3. Ah, tu l'as installé aussi? Oui. OK. Voilà. Qui parle de Gatekeeper dans le chat? Qu'est-ce que c'est? Gatekeeper? Le chef. C'est pas MacKeeper? Mac je sais pas quoi. Gatekeeper. C'est tellement le fun, MacKeeper. Ouais, c'est la grosse boîte, en fait. La moitié du temps, c'est le vrai logiciel, puis l'autre moitié, c'est des virus qui font croire que c'est MacKeeper. Fait que c'est super bien. Ah, c'est la fonction qui s'appelle comme ça, Gatekeeper. Ah, oui. Donc, y avait-tu d'autres questions? Il y a un Mac, il y a un bundle? Ouais. C'est quoi? Il n'y a rien là-dedans? Ah, il y a Crossover. Non, c'est pas lui. C'est pas non? Lui. Pas lui. Bon. Je vais le trouver. Je te laisse aller, mais y avait-tu d'autres questions? Non. Oh! Bon. Ah, il est quand même 11h20. Ouais. Faut dire, Vincent, tu peux dire les applications? Les applications? Celle que... Ben, il l'a dit au début du show, c'est Air Display. Okay. Ben, en tout cas, d'abord, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, on a nos deux gagnants, là... À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pose une question, là, on va faire un tirage. Là, mais... Toum, toum, toum. On va essayer de... Y a-t-il moyen de chatter en privé là-dedans? Oui, sur le chat à droite, le producer chat. Non, mais d'écrire à une personne spécifiquement. Ah. Non, je pense pas. C'est bon. À moins de sélectionner la personne, peut-être. Ah, c'est le profil de Dean, là. Si on sélectionne D... Ah, ban, excuse-moi. Chat, oui, tu peux. Tu peux-tu? Il y a un truc qui s'appelle chat, mais je pense qu'il faudrait l'inviter. Ou peut-être si la personne te suit, ou c'est peut-être comme sur Twitter. Ah, peut-être, ouais, peut-être que si la personne te suit. Vincent? Non, on peut faire preview, on peut pas faire chat. Ah. Mais non. est-ce que lui me. Pourquoi il n'y a pas le. Il n'y a pas de chat privé? Il y a Dean qui request d'être ajouté. Ajoute-le pas. Oh, donc ce serait ça, c'est le nouveau bundle? C'est le Mac Super Bundle Spring 2012. Ouh, qui reste... 12 jours. Il reste 12 jours. On a commencé hier. OK. Fait que l'application principale, c'est Roxio Toast 11 Titanium. OK. Logiciel pour... burner des CD, des DVD gravés, excusez pas burner. Qui sert honnêtement pas à grand chose. Pas à grand chose. À part si vous êtes du genre à vouloir faire des VCD, ouais, ou de vouloir vous acheter un graveur DVD, un graveur Blu-ray, lui, il serait en mesure de graver du Blu-ray. Non? Pas lui, c'est la version Pro. Ah, OK. Ça, c'est juste la version à 100$. Là. OK. Non, la version à 100$, tu peux rajouter un plugin qui va te coûter 15$ pour le Blu-ray. Ah, bon. Il faut encore payer. Ouais. Sinon, il y a avec Rapid Weaver 5. Il y a quand même Rapid Weaver qui est intéressant dedans. Le Panorama Maker 5 Pro, c'est un logiciel qui doit être quand même assez performant. Le Disk Drill Pro. Il ressemble pas à l'ancien dans le temps de Norton, là. Symantec. Ah oui, c'est vrai, hein, le logo ressemble un peu à ça. Ouais. Mais ça doit être un logiciel Protect and Recover Data Like a Pro. Je le connais pas beaucoup, j'irais plus avec quelque chose de plus connu. OODA Tempo, The Fast and Flexible File Finder. Ouais, c'est pas terrible, hein? Je suis vraiment pas impressionné. Puis il y a des fontes professionnelles, Font Explosion, mais bon. Les fontes, ça te bourre un système. Oui. Ben, surtout si tu n'as pas de gestionnaire de fonds. Tant qu'à donner des fonds, il aurait dû inclure un gestionnaire de fonds. Il me l'a-tu envoyé? C'était quoi? C'est qui? C'est Barnac. Ah oui, OK. Barnac a enfin reçu sa licence de Printopia, je crois. C'est Printopia? Oui, je pense que c'est ça. En fait, il nous posait une question sur le iPad. Il se demandait, en fait, dans Mail, comment tu fais pour répondre à quelqu'un en ajoutant... Il n'y a comme pas de bouton pour ajouter une pièce jointe. Mm. Mais la raison pourquoi il n'y a pas de bouton pour ajouter une pièce jointe, c'est parce qu'il n'y a pas de Finder dans l'appareil. Donc, tu peux pas... t'as pas une liste de logiciels où est-ce que tu peux aller fouiller puis dire « Ah, il y a tel truc dedans. » Fait que t'es obligé de passer par le logiciel, dire que tu veux partager le contenu, puis l'envoyer. Lui, il dit le moyen qu'il a trouvé, puis il parlait plus spécifiquement des documents PDF, c'est de créer le email dans Goodreader avec le fichier, puis de copier-coller l'historique du vieux email, le ramener dans l'envoi Goodreader pour avoir au moins un suivi de la conversation. Fait que c'est un petit truc... c'est vrai que c'est fatigant, par exemple. C'est vrai que c'est un problème, ça. Si tu veux comme rajouter un truc, ben ce que tu pourrais peut-être faire à la place, c'est l'envoyer, par exemple, dans un dossier public sur Dropbox. Dans Dropbox, tu peux envoyer tes fichiers dans un dossier public. On ne peut pas le faire à partir de l'application, je pense. Hein? Non. À partir de quoi tu pourrais le faire, un sharing? À partir du site web. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, tu fais un upload sur le site web à partir de Safari. Mmh. Encore là, tu n'as pas de Finder. Mais c'est toujours cette problématique-là. C'est parce que la métaphore a été changée. Plutôt qu'avoir un Finder qui te permet de rechercher un peu partout dans ton ordinateur, ben, tu as vraiment juste des applications. Fait que c'est là que le bas blesse un petit peu. Fait que y a pas vraiment de solution. C'est comment il l'a... on me demande, et on n'a toujours pas compris comment ça fonctionne... Hey, Monsieur Marc-Alexandre Plouf, qui est en Chine, puis qui travaille là-bas, puis tout, là. Quand tu as une question à poser, pèse sur le piton question. Je me permets de lui parler comme ça parce que c'est mon meilleur ami. Ah bon, c'est bien. Oui. Okay. Fait que j'ai pas de coupe à faire. Non, pas du tout. Pour recevoir de plainte à ma Québec. OK, c'est bon. Non, pas en tout. Laissez l'insulter à fond. Donc, sa question, c'est est-ce qu'il y a un logiciel sur iPad qui permet de prendre des notes puis qui utilise le cloud quand il arrive sur son PC puis qui peut aller récupérer ses notes? Si je me trompe pas, il y a... Attends, c'est quoi celui que j'utilise? Je pense... Attends. C'est à peu près le même icône que les notes de Apple, mais ça s'appellerait comme Note HD ou quelque chose comme ça. Attends, c'est une icône jaune. Je ne sais pas ce qu'il est. Peut-être que je l'ai désinstallé. Ça, c'est Note. Sketchpad HD. Si je ne me trompe pas, il permet de faire ça. Non, il ne le fait pas. Il ne fait pas. Sinon, j'en ai téléchargé un qui doit le faire. Non plus. Je vais regarder, puis on va te revenir avec une réponse plus brillante. Et pourquoi Max Payne ne peut pas se télécharger? Ah, tu l'as acheté? Oui. Ouais, ah oui, c'est... Max Payne, moi, c'est un des jeux avec lequel, justement, j'ai passé beaucoup de temps à jouer avec Monsieur Marc-Alexandre, c'est vraiment chouette. On va essayer. Il y a Dropkick pour des task lists. Evernote, effectivement, c'est un logiciel vraiment complet pour la prise de notes. Ça peut être un petit peu rébarbatif au départ, là, mais dès que tu finis par le prendre, parce que tu peux prendre des notes textuelles, tu peux prendre des notes photos, tu peux prendre des notes audio, tu peux mélanger tout ça dans le même document de notes. Ça fait-tu une reconnaissance de texte? Ça fait une reconnaissance de texte, mais pas pour que tu puisses transformer une photo que tu as prise en... C'est pas un OCR. La reconnaissance de texte, elle est faite pour faire de la recherche dans tes notes. Fait que mettons que, je sais pas, là, tu prends une photo d'une publicité quelconque, ben quand tu vas vouloir la retrouver, tu vas, mettons, tu te souviens d'un mot de cette publicité-là, tu vas pouvoir rentrer un mot qui correspond. Puis lui, comme il va avoir fait l'OCR, donc la reconnaissance de caractère et de mots de ta note photo, ben il va te la retrouver. Mais tu ne pourras pas comme sélectionner le texte puis aller le mettre dans un document Word, ça ne fonctionnera pas. Connaissez-vous d'ailleurs, je sais qu'Adobe en fait certains logiciels, mais c'est pas c'est so-so, là. Des logiciels de reconnaissance? Ça, ouais. C'est quoi? Un, c'est jamais parfait, là. Il y en a quelques-uns sur les iPhones d'ailleurs, des logiciels de OCR, mais c'est vraiment pourri, là. Oui, c'est pas avec. C'est pas un scanner, je pense, sur l'image du programme. Oui, c'est DocScan. Ouais. Ça, c'est sur iPhone. C'est quoi le OCR sur Mac? Le bon logiciel. Mais c'est ça, OmniPage. Il y a OmniPage puis il y a Reed Iris. C'est les deux. Si je ne me trompe pas, ils appartiennent pratiquement à la même compagnie maintenant. En fait, OmniPage appartient maintenant à Nuance, tandis que Reed Iris appartient à Iris Link. Hein? Nuance, c'est pas Apple? Non, Nuance, c'est pas Apple. Nuance, c'est Nuance. Oh. Mais l'affaire, c'est que c'est 500$ le logiciel d'OCR. Tu achètes un scanner, tu fais « Ah ouais, je veux faire de la reconnaissance vocale, c'est combien un scanner? » Le vide, ben, c'est 90$. Tu fais comme « Oh cool! » Puis le logiciel d'OCR, c'est 500$. Ouais. Tu fais comme « Oh shit, je pourrais me scanner mon Harry Potter. » Fait que c'est ça, le logiciel d'OCR de Mac, ce serait OmniPage, mais il ne donne vraiment pas. Il y avait une autre question à diffuser. Elle est là. Est-ce qu'on parle d'une mise à jour à Final Cut Pro X bientôt? J'ai lu quelque chose là-dessus, il n'y en a pas eu une récemment? Mais il y en a une cette semaine qui corrige des quelques bugs, mais il y a une autre version d'ici la fin de l'année. Final Cut va être mis à jour encore plus en profondeur parce qu'on sait tous que les professionnels sont pas très contents. Mais hein. Les anciens, oui. Ouais, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai un chum. J'ai un chum, en fait, qui s'est dit qu'il a pleine confiance en Apple. Martin Resch, un excellent producteur de vidéos. Et des capsules pour Météo Média, entre autres, là, les dernières capsules de lever de soleil, puis tout ça que vous pouvez voir, ou même les capsules de présentation des comment on appelle ça, quelqu'un qui fait la météo, Météo Girl. Ouais, ça. Ils sont pas tous météorologues. Hein, sont... Ben, côtelette provençale. Ouais. N'importe quoi. Donc, oups, pas Syncy, mais Simple Note. Oui, il y a Simple Note, effectivement, qui est intéressant. Mais c'est ça, en fait, lui, il a poussé son apprentissage de Final Cut. Puis, en fait, il trouve pas mal intéressant la façon de travailler, tout ça. Fait que c'est vraiment, je pense, pas une arrière-garde, là. Tu sais, c'est du monde que tu viens de changer leur habitude du tout au tout. Ouais, fait qu'il faut vraiment qu'ils se décident à l'apprendre. Puis à partir de ce moment-là, ils vont le faire. Ce qu'on a peur, c'est qu'Apple décide que vu qu'il y a une baisse de demande pour le Final Cut, ils vont faire, bon, ben, si on va mettre les clés dans la porte du produit, puis on va arrêter. Bon, je pense pas. Hein. Il y a beaucoup de compagnies de films et des affaires-là qui utilisent ça encore. Même les médias d'ici au Québec utilisent ça, là, Final Cut. Là. Oui. Donc, tu regardais, c'était quoi la dernière... Je pense que c'est la... 10 avril, ouais, la dernière. 10.0.4. Mais c'est cette semaine aussi que j'ai vu passer que d'ici la fin de l'année, il va vraiment avoir une grosse version. Check donc dans le mode de recherche. Filter. Final Cut Pro X. Apple Reiterate Commitment. New features coming in 2012. C'est ça. Donc, oui, c'était, ben, c'était le NAB cette semaine ou la semaine passée. Lack of compatible project. Apple hasn't announced anything new on that front. The company spoke on the record with Larry Jordan ahead of the 2012 NAB show. Ensure, continue reading. Ah, Max Couture dit qu'il est plus instable que la version 7. Il faut dire que c'était une nouvelle version du tout, hein, c'est sûr. Que, certaines options qui n'avaient pas été essayées, qui ont été poussées quand même, donc arriver avec des bugs, je pense pas que c'est surprenant. J'ai jamais essayé, fait que je peux pas débattre, là, ma limite s'arrête là, mais c'est toujours le fun d'avoir un gros changement quand il y a un logiciel avec plusieurs mises à jour qui est toujours resté dans les mêmes barèmes, que là maintenant il arrive avec une nouvelle interface. Maintenant, est-ce qu'il va apporter des anciennes fonctionnalités, des anciennes versions? Donc, ce que Apple aurait dit cette semaine, c'est qu'il n'y aurait pas de Final Cut Pro 8 en vue, c'est-à-dire une évolution du Final Cut Pro 7. Eux autres, ils sont dédiés en fait au Final Cut Pro X. Et ils vont continuer à partir de cette base-là. Il faut dire que c'est un logiciel qui va chercher peut-être un petit peu plus le prosumer que le professionnel. Donc, plus les gens qui sont très, très loin. En fait, ça serait peut-être un produit à classer entre Final Cut Express et Final Cut Pro pour Apple. Mais en rajoutant les fonctionnalités, c'est arrivé un peu la même chose hein, avec iMovie quand ils l'ont réécrit pour le iWork. La première version, ils ont même... C'était bien meilleur. Tu trouves? Ah, oh, moi, je trouve. Okay. La version, ça, c'est la version 4, je pense qu'on a. 3 actuellement, de la nouvelle, okay, la nouvelle version. La version avant, je trouve qu'elle avait un peu plus. Je pense que c'est en 2008 qu'ils l'ont sorti, puis la version juste avant d'iMovie. C'est parce que l'affaire, c'est que tu finissais par avoir des plugins, tu finissais par avoir des ajouts, puis tu perdais tout ça en passant à la nouvelle version. Mm. Fait que l'autre chose aussi, c'est que la façon de travailler de Final Cut Pro 10, il y a des termes qui sont semblables, il y a des termes qui sont les mêmes. Par contre, ils ne font pas la même chose d'une version du logiciel à une autre. Fait qu'il y a du monde qui se disent « Ah ben comme le terme est pareil, ça doit être comme ça qu'on doit travailler dedans. » Puis c'est pas ça. C'est toute la façon de travailler est complètement différente là-dedans. Fait que c'est peut-être en essayant de faire fonctionner le logiciel, puis tu sais, on n'est pas non plus des spécialistes du côté du montage vidéo, là. Faut pas penser ça. Donc, peut-être que c'est en essayant de forcer le logiciel à fonctionner de l'ancienne manière que là, bon, on le mélange un peu puis qu'il veut plus fonctionner. Mais c'est une hypothèse, là. Bon, bien, sur ça, messieurs, je crois qu'on va... Ça mettrait fin au show ce soir. C'est fait. Oui. Faut que je rentre à la maison, j'ai les yeux... Je suis fatigué. Oui, moi aussi. J'ai pas dormi de la nuit passée. 3h du matin, quand j'ai fait du travail, plus Monsieur Net, plus... c'est à soir. Grosse journée. C'est chaud. Excellent. On espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets, monsieur GF? Moi, on peut me retrouver à GFPod1979. Et oui, comme Dominique Duval, il dit, oui, je tweetais avec lui à 3h à matin. Fait que... OK, fait qu'il n'y a pas juste toi d'irréductible qui était là à 3h. Non, c'est ça. Fait que, mais lui, il se levait comme genre à 11h, mais il était à 6h30. Tu sais. Une petite différence de temps. C'est ça, vous pouvez me retrouver sur Twitter GFPod1979, Facebook, Google+. Pour Vincent? On peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller, également sur mon site web qui fait partie des internets, là, à vmiller.ca. Si vous voulez développer une application iPhone et iPad, il y a plusieurs personnes qui me contactent depuis les dernières semaines, c'est vraiment le fun. Certains beaux projets, donc... espérons que je puisse en parler un peu plus tard. Là. Dans quelques mois. Là. Excellent. Pour ma part, si vous m'ajoutez dans Draw Something, je vais peut-être vous écrire quelque chose, dessiner quelque chose. Ah, je l'ai acheté. Viens de faire une mise à jour cette semaine. Tu peux faire des commentaires, tout ça. Ouais. C'est, je l'ai acheté, ça sert à beaucoup. Ah oui. C'est très drôle, Draw Something. Oui, effectivement. C'est un nouveau média social. Hein. C'est, moi, en tout cas, je serais vraiment gros, mais ça fait une couple de temps que je ne l'ai pas ouvert. Vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cormelier. Vous ne pouvez pas me retrouver sur Google+. Je n'y mets plus les pieds, mais... Moi non plus, mais... On devrait y retourner. J'ai au, moins pour au moins pour le site de Mac Québec, là, on devrait... Ouais. Mais j'ai été voir la nouvelle interface au moins. J'ai travaillé. J'ai tout au moins deux jours dessus, tu vois. Ben, c'est ça. Donc, belle interface, en tout cas. Pourquoi tu veux qu'on te rejoigne via ton adresse macquebec.com? Oui, ben en fait, j'allais y venir. Mais pour les deux gagnants des licences, soit IM Chemical ou Christophe Catherine. Donc, vous avez les deux gagnants pour le Air Display. Contactez-moi par courriel. Envoyez-moi un courriel à vincent.miller@commercialmacquebec.com. Je vais tout de suite vous répondre avec la licence. C'est pas un courriel qu'on envoie. Malheureusement, ça avait pris beaucoup de temps avec... Barnac et Stigidou pour avoir, parce que bon, c'est eux qui m'envoyaient rien, mais on a reçu finalement, fait que vous les avez reçus pour vous. Puis moi, j'ai les licences tout de suite, donc si vous m'envoyez un courriel rapidement, je vous les donne, puis vous pouvez l'essayer quand bon vous semble. Puis le 1er avril est fini, donc inscrivez-le pas à plein de sites de porn. Comme Jean-Yu. Genre, s'il vous plaît. Voilà. Bonne soirée. Non, je pense que c'est pas mal tout. Allez voter pour nous. Donnez-nous 5 étoiles pour nous faire. On a disparu, en fait, des 200 premières positions. Très déçu. Un petit commentaire puis une petite étoile là, sur iTunes. Là. Ils devraient l'intégrer dans iTunes. Tu sais, dans la section podcast, quand tu t'inscris à un podcast, ils devraient avoir... Attends, on va demander à Vincent d'ajouter le Features AMQ Mobile. Qu'est-ce que tu as à dire, Vincent? J'allais dire, tantôt, tu as parlé de l'application rapidement. Oui. En fait, justement, la mise à jour, comme tu as dit dans l'autre podcast, c'est pas encore sorti. L'application 2.1.2. Puis le principal, c'est vraiment les notifications. Donc... Maintenant, on a trouvé un super de bon système qui va très bien. Donc, les notifications vont embarquer. On va pouvoir vous dire quand le show commence, un peu comme le stream de Yann Terrio le fait avec son application. On va vous dire une demi-heure avant pour que vous puissiez pas l'oublier. Puis, certains articles, on ne poussera pas tous les articles, on ne veut pas vous déranger non plus. Là. Mais certains articles qui pourraient être intéressants, comme un nouveau iPhone, le nouvel iPhone présenté par Apple, ou quelque chose comme ça, une grande nouvelle. Donc ouais, ça. Puis l'interface un petit peu changée. Vous me donnerez vos commentaires. Excellent. On va regarder ça. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine et on vous espère du trouble avec votre Mac. Comme ça, vous allez vous poser des questions. Bonne soirée. Salut bien. Bonne soirée. Bye bye. Bye.